第七段 Sein Al tira ki rabim asher itanu me asher otam Al tira, al tira, al tira ki rabim asher itanu me asher otam Al tira, al tira Altira, altira, altira, ki rabim asher itanu me asher otam. Altira.